Nous la perdîmes enfin. Je la vis expirer. Sa vie avait été celle d'une femme d'esprit et de sens. Sa mort fut celle d'un sage. Je puis dire qu'elle me rendit la religion catholique aimable par la sérénité d'âme avec laquelle elle a rempli les devoirs, sans négligence et sans affectation. Elle était naturellement sérieuse. Sur la fin de sa maladie, elle prit une sorte de gaieté trop égale pour être jouée, et qui n'était qu'un contrepoids donné par la raison même contre la tristesse de son état. Elle ne garda le lit que les deux derniers jours, et ne cessa de s'entretenir paisiblement avec tout le monde. Enfin, ne parlant plus, et déjà dans les combats de l'agonie, elle fit un gros pet. « Bon, » dit-elle en se retournant, « femme qui pète n'est pas morte. » Ce furent les derniers mots qu'elle prononça. Elle avait légué un an de leur gage à ses bas domestiques, mais, n'étant point couché sur l'état de sa maison, je n'eus rien. Cependant, le comte de la Roque me fit donner 30 livres et me laissa la binef que j'avais sur le corps et que M. Lorenzini voulait m'ôter. Il promit même de chercher à me placer et me permit de l'aller voir. J'y fus 2 ou 3 fois sans pouvoir lui parler. J'étais facile à rebuter, je n'y retournai plus. On verra bientôt que j'eus tort.